La réponse donnée au correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée relativement à ce que les États-Unis et leurs satellites cherchent noise au tir d'essai de l'engin balistique stratégique de moyenne et longue portée sol-sol a été reproduite en intégrale ou en résumé du 15 au 18 février par les presses étrangères telles que l'agence de presse russe TASS, l'agence de presse Chine Nouvelle, les réseaux Planète, Chine Nouvelle, Information Chinoise, Radio, Jeunesse et Chine, l'agence de presse cubaine Prensa Latina, les agences de presse japonaises Gyodo et Zizi, le journal égyptien Al-Misri Al-Yaoum, le brésilien Patria Latina et les pages internet du Comité national d'études des idées du Tutsi du Congo démocratique et de la filiale polonaise de l'Association d'amitié avec la Corée.